soufflé, annoncez-moi que t'es là. Ça fait moi sourire. J'achèterai sa parfum à l'entend déjà enfilé. Rêvez-t'en dans le ciel pour voir si n'y a qu'à faire moi yon signe. Dès que l'on pense si finit en moi, mettez-vous qu'à chanter. Son présage que l'amour m'a monté pour m'emmener. C'est vous qui planète en moi. Si vous parlez en que les armées.